Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. Mm-hmm. Bien voir ce qui fait la singularité de cette dénonciation. La haine de la démocratie n'est certes pas une nouveauté. Elle est aussi vieille que la démocratie pour une simple raison, le mot lui-même est l'expression d'une haine. Il a d'abord été une insulte inventée dans la Grèce antique par ceux qui voyaient la ruine de tout ordre légitime dans l'innommable gouvernement de la multitude. Il est resté synonyme d'abomination pour tous ceux qui pensaient que le pouvoir revenait de droit à ceux qui étaient destinés par leur naissance ou appelés par leurs compétences. Il l'est encore aujourd'hui pour ceux qui font de la loi divine révélée le seul fondement légitime de l'organisation des communautés humaines. La violence de cette haine est certes d'actualité. Ce n'est pourtant pas elle qui va faire l'objet des paroles suivantes, pour une simple raison, je n'ai rien en commun avec ceux qui la profèrent, donc rien à discuter avec eux. We'll be right back. Côté de cette haine de la démocratie, l'histoire a connu les formes de sa critique. La critique fait droit à une existence, mais c'est pour lui assigner ses limites. La critique de la démocratie a connu deux grandes formes historiques. Il y a eu l'art des législateurs aristocrates et savants qui ont voulu composer avec la démocratie, considéré comme fait incontournable. La rédaction de la Constitution des États-Unis est l'exemple classique de ce travail de composition des forces et d'équilibre des mécanismes institutionnels destiné à tirer du fait démocratique le meilleur qu'on en pouvait tirer, tout en le contenant strictement pour préserver deux biens considérés comme synonymes, le gouvernement des meilleurs et la défense de l'ordre propriétaire. Le succès de cette critique en acte a tout naturellement nourri le succès de son contraire. Le jeune Marx n'a eu aucun mal à dévoiler le règne de la propriété au fondement de la Constitution républicaine. Les législateurs républicains n'en avaient fait nul mystère, mais il a su fixer un standard de pensée qui n'est pas encore exténué. Les lois et les institutions de la démocratie formelle sont les apparences sous lesquelles et les instruments par lesquels s'exerce le pouvoir de la classe bourgeoise. La lutte contre ces apparences devint alors la voie vers une démocratie réelle, entre guillemets, une démocratie où la liberté et l'égalité ne seraient plus représentées dans les institutions de la loi et de l'État, mais incarnées dans les formes mêmes de la vie matérielle et de l'expérience sensible. I don't want to do it. You do it. You're gonna sing this better than me. You know? No. The yell. No, you're. Do the yell. Okay, good. All right. You know. Yeah. No, no. From like when you fucking get really. Yeah! I was a superstar drunk, strung out on drugs, lived fast. my dream come true. No matter where I go, all roads lead just to you. Yeah, I'm a nightmare. La nouvelle haine de la démocratie qui fait l'objet de ce livre ne relève proprement d'aucun de ces modèles, même si elle combine des éléments empruntés aux uns et aux autres. Ces porte-paroles habitent tous dans des pays qui déclarent être non seulement des États démocratiques, mais des démocraties tout court. Aucun d'eux ne réclame une démocratie plus réelle. Tous nous disent au contraire qu'elle ne l'est déjà que trop. Mais aucun ne se plaint des institutions qui prétendent incarner le pouvoir du peuple, ni ne propose aucune mesure pour restreindre ce pouvoir. La mécanique des institutions qui passionna les contemporains de Montesquieu, de Madison ou de Tocqueville ne les intéresse pas. C'est du peuple et de ses mœurs qu'ils se plaignent, non des institutions de son pouvoir. La démocratie pour eux n'est pas une forme de gouvernement corrompu, c'est une crise de la civilisation qui affecte la société et l'État à travers elle. D'où des chassés croisés qui peuvent à première vue sembler étonnants. Les mêmes critiques qui dénoncent sans relâche cette Amérique démocratique, d'où nous viendrait tout le mal du respect des différences, du droit des minorités et de l'affirmative action, sapant notre universalisme républicain, sont les premiers à applaudir quand la même Amérique entreprend de répandre sa démocratie à travers le monde par la force des armes. And a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and the bartender says, "Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss?" No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Sur la démocratie n'est certes pas neuf. Nous avons été habitués à entendre que la démocratie était le pire des gouvernements, à l'exception de tous les autres. Mais le nouveau sentiment antidémocratique donne de la formule une version plus troublante. Le gouvernement démocratique, nous dit-il, est mauvais quand il se laisse corrompre par la société démocratique qui veut que tous soient égaux et toutes les différences respectées. Il est bon en revanche quand il rappelle les individus avachis de la société démocratique à l'énergie de la guerre défendant les valeurs de la civilisation qui sont celles de la lutte des civilisations. La nouvelle haine de la démocratie peut alors se résumer en une thèse simple. Il n'y a qu'une seule bonne démocratie, celle qui réprime la catastrophe de la civilisation démocratique. Les pages qui suivent chercheront à analyser la formation et à dégager les enjeux de cette thèse. Il ne s'agit pas seulement de décrire une forme de l'idéologie contemporaine. Celle-ci nous renseigne aussi sur l'état de notre monde et sur ce qu'on y entend par politique. Elle peut ainsi nous aider à comprendre positivement le scandale porté par le mot de démocratie et à retrouver le tranchant de son idée. La démocratie se lève au Moyen-Orient. Sous ce titre, un journal qui porte le flambeau du libéralisme économique célébrait il y a quelques mois le succès des élections en Irak et des manifestations anti-syriennes de Beyrouth. Cet éloge de la démocratie victorieuse s'accompagnait seulement de commentaires qui précisaient la nature et les limites de cette démocratie. Elle triomphait, nous expliquait-on d'abord, malgré les protestations de ces idéalistes pour qui la démocratie est le gouvernement du peuple par lui-même et ne peut donc lui être amené de l'extérieur par la force des armes. Elle triomphait donc, si on savait la considérer d'un point de vue réaliste, en séparant ses bienfaits pratiques de l'utopie du gouvernement du peuple par lui-même. Mais la leçon donnée aux idéalistes engageait aussi à être réaliste jusqu'au bout. La démocratie triomphait, mais il fallait savoir tout ce que son triomphe signifiait. Apporter la démocratie à un autre peuple n'est pas seulement lui apporter les bienfaits de l'État constitutionnel, des élections et des presses libres. C'est aussi lui apporter la pagaille. Let's go. what you come for. Don't waste my time. Come on, get what you come for. Se souvient de la déclaration du ministre américain de la Défense à propos des pillages qui suivirent la chute de Saddam Hussein. « Nous avons, dit-il en substance, apporté la liberté aux Irakiens. Or, la liberté est aussi la liberté de mal faire. » Cette déclaration n'est pas seulement une boutade de circonstances. Elle fait partie d'une logique qui peut être reconstituée à partir de ses membres disjoints. C'est parce que la démocratie n'est pas l'idylle du gouvernement du peuple par lui-même, parce qu'elle est le désordre des passions avides de satisfaction, qu'elle peut et même doit être apportée de l'extérieur par les armes d'une superpuissance, en entendant par superpuissance non pas simplement un État disposant d'une puissance militaire disproportionnée, mais plus généralement le pouvoir de maîtriser le désordre démocratique. You know, like I was saying, man, so I walk in there, my brother's around, and I end up kissing my own brother, you That's know? Far out, man. That's what I'll say, it's fucked up, you know what they say, man, like father, like son. You said it best, brother. after the thought of our very first kiss. A target that I'm probably gonna miss. Let's go, don't wait. This one is almost over. On it, let's make. Just walk away. Cousin and Jerry used to trip around, sometimes showing up at the relative's house, hanging for a while then leaving. You know, everybody feeling sorry for him and shit, cause you know, his mom died when he was so young of leukemia. But one time while he was staying at my grandfather's house, you know, they're trying to help him out, getting him jobs with people that know. And he wasn't too much on working. But yeah, the one job he did longer than ever, never worked more than 2 days. But this job he lasted a week. Yeah, it was taking the heads off of chickens. So one day my grandfather had to ask him, seeing how Randy would get up early in the morning, make his lunch, and he'd even go to work early. He was like, Randy, what's so great about this job? He says it makes you think, it makes you wonder, it's just so expanding of the mind. You see, there I am, I rip the head off the chicken, and then the chicken starts flying all over. Then he comes back at me, and I wonder, is he flying back at me cause he's mad cause I ripped his head off? Is he flying at me cause I'm holding his head in my hand? Or is he flying at me cause he can't see where he's going? Yeah, he fix what I have on your television screen, and you'll see what I mean. Les commentaires accompagnant les expéditions destinées à propager la démocratie dans le monde nous rappellent alors des arguments plus anciens qui évoquaient aussi l'irrésistible expansion de la démocratie, mais sur un mode beaucoup moins triomphal. Il paraphrase en effet les analyses présentées 30 ans auparavant lors de la conférence trilatérale pour mettre en évidence ce qu'on appelait alors la crise de la démocratie. Yeah. La démocratie se lève dans le siège des armées américaines, malgré ces idéalistes qui protestent au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a 30 ans déjà, le rapport accusait le même genre d'idéalistes, ces « value-oriented intellectuals » qui nourrissaient une culture oppositionnelle et entretenaient un excès d'activité démocratique, fatal à l'autorité de la chose publique comme à l'action pragmatique des « policy-oriented intellectuals ». La démocratie se lève donc, mais le désordre se lève avec elle. Les pillards de Bagdad, qui profitent de la liberté démocratique nouvelle pour accroître leurs biens au détriment de la propriété commune, rappellent, à leur manière un peu primitive, l'un des grands arguments qui établissait, il y a 30 ans, la crise entre guillemets de la démocratie. La démocratie, disaient les rapporteurs, signifie l'accroissement irrésistible des demandes qui fait pression sur les gouvernements, entraîne le déclin de l'autorité et rend les individus et les groupes rétifs à la discipline et au sacrifice requis par l'intérêt commun. Expanded sides, exaggerating flaws and dying lies. Ainsi, les arguments qui soutiennent les campagnes militaires destinées à l'essor mondial de la démocratie révèlent le paradoxe que recèle aujourd'hui l'usage dominant de ce mot. La démocratie y paraît avoir deux adversaires. D'un côté, elle s'oppose à un ennemi clairement identifié, le gouvernement de l'arbitraire, le gouvernement sans limite que l'on appelle selon les temps tyrannie, dictature ou totalitarisme. Mais cette opposition évidente en recouvre une autre, plus intime. Le bon gouvernement démocratique est celui qui est capable de maîtriser un mal qui s'appelle tout simplement vie démocratique. Thank you. C'est la démonstration qui était faite tout au long de The Crisis of Democracy. Ce qui provoque la crise du gouvernement démocratique n'est rien d'autre que l'intensité de la vie démocratique. Mais cette intensité et la menace subséquente se présentaient sous un double aspect. D'un côté, la vie démocratique, entre guillemets, s'identifie au principe anarchique, affirmant un pouvoir du peuple, dont les États-Unis, comme d'autres États occidentaux, avaient dans les années 60 et 70 connu des conséquences extrêmes. La permanence d'une contestation militante, intervenant sur tous les aspects de l'activité des États et défiant tous les principes du bon gouvernement, l'autorité des pouvoirs publics, le savoir des experts et le savoir-faire des pragmatiques. Chance. Du sang humain dans la vache, mon commandant. Que vous dites ? Il y a du sang humain dans la bête ? La bête humaine, c'est du zoo, mon commandant. C'est du zoo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Vous faites quoi, là-bas ? Dégagez, là-bas ! Yeah. around, turn around, she knows. You turn around two ways, break it down now. Who does the guy think he's there tonight? Stop it, it might go being a left at your arm, and he goes soon. And I do, and I do. Yeah, come, come and get into you. You see you, you see you. And you're pretty self-conscious too. Give the victim smell of the hands of the dogs. I'll hunt you and follow you to work that ghost is back again. The reason to you I won't go away on taking yourself too seriously. A smile is depressing, turn to walk away. Or heaven for all to see. I see you too, I see you. And the road and things you do. You see you, you see you. And you're pretty self-conscious too. There is worth a thousand funny phrases. See how stupid you are. I dare you, I dare you. To erase my little tattoo. You see you, you see you. And you're pretty self-conscious too. And I'm gonna crack your mask. Yeah. And I'm gonna laugh. What's inside? Is it too big here? Is it not whatever? I bet you just don't care. Corporation lies are slowly c'est de ma gueule là. Je suis désolé mon frère. Coaster. C'est vraiment trop con, Carpentier. Rise above, we're gonna rise above. I am gonna have my chance. Rise above, we're gonna rise above. I want to be stereotyped. I want to be classified. To be classified. Go! We'll be right back. like it as a punker. I love living in the city. I love living in the city. Vous voulez manger? Ça va pas, ça? Allez, quelqu'un. Je me le demande. C'est où? Viens, je te dis! Non! Viens ici! Non! Viens ici! Non! Eh merde!